Mes amis, vous le savez, comme moi, comme tout Paris d'ailleurs, c'est aujourd'hui que sort le film Bridget Jones. Un film tiré d'un livre à succès signé Helen Fielding, les aventures d'un bouddha anglais qui écrit sa vie sur un calepin. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 10 ans, l'histoire avait déjà été exploitée au cinéma, dans un superbe film où l'un de mes proches amis tenait le rôle principal. Ah, vous en avez de la chance, j'ai la bande-annonce avec moi. Une histoire drôle et émouvante à la fois. Un film où les sentiments déçus font place aux situations les plus loufoques. Un film dans lequel se reconnaîtront tous ceux qui, un jour, ont cru voir l'amour s'évanouir sur leurs yeux, pour finalement mieux réapparaître un peu plus tard. Un film vrai, avec un énorme zeste d'humour. WFM et les productions du Chaque fait du Kung-Fu présentent Le journal de Zuzu Jones. Bonjour, je m'appelle Zuzu Jones, j'ai 33 ans, j'en ai assez d'être célibataire. Je crois que je suis heureux, mais en fait, je n'ai plein les couilles d'être tout seul comme un colibri abandonné. C'est trop injuste. All by myself, don't wanna be here. All by myself, anymore. Bon, c'est décidé à où, je vais me mettre à faire du sport. Je suis trop grosse comme une vache qui mange du McDo. Oh, oh c'est dur. Oh, t'arraches un peu plus. Je crois que je transpire toutes les langues. Bon, maintenant je vais aller dans le club pour rencontrer des gentils garçons. Gentils comme le colibrio. Tu veux danser avec moi, jolie étrangère? Comment ça, je suis moche? Bah va mourir, t'as pas vu ton tête de cochon. Allez, dégage. Bon, mais moi je vais coucher avec le patron, ce sera plus facile pour niquer. Le journal de Zuzu Jones. Un film sur les grosses qui savent vivre et qui, comme tout le monde, n'hésitent pas à coucher avec leurs collègues de travail. Et voilà mon Christophe. T'as vu la bande-annonce? Oh là là! Ça dépote, je te l'avais dit! Ah, exactement la même histoire que Bridget Jones, meilleur, mieux bien sûr, grâce à la performance de mon ami Zuzu. Quant à moi, mon petit cri-cri, perso, je suis en train de travailler sur un petit truc. Une comédie musicale. Ah oui? Je t'apportais un petit extrait, là, et comme tu t'y connais en musique, j'aimerais que tu me dises ce que t'en penses. Aimer, c'est ce qui est plus. Ah, bien! Alors, ah mais c'est excellent. Ça a du relief ça. Voilà ce qui nous manquait, un truc vraiment explicite quoi. Complètement. Hein, voilà. Les vrais sentiments, il faut les traduire. Et moi je conjugue à tous les temps. Sur ce, au revoir.